Attili, ouais. Laisse tomber tes calibres 22, laisse tomber. Non, la dernière fois. Non, putain, t'as pas comme un 38 ou un 44. Vas-y avec un 357. Quelque chose au nylon avec un gros canon là. Putain, un 12 pompeux ou pas? Ouais, ok, vas-y. T'as un 12 pompeux ou pas? Ça me prend un revolver. Ouais, Attili, why not? Ça se passe, on sort les flingues, négro. Ouais? T'es prêt ou quoi? On vit la vie, fume l'air toute ta journée. Vie légale, tout rag et diamant. Tu veux me tester, va chercher ton fusil. Tu veux nous tester, va chercher ton fusil. On tue pour cette merde. On vit la vie, fume l'air toute ta journée. Vie légale, tout rag et diamant. Tu veux me tester, va chercher ton fusil. Tu veux nous tester, va chercher ton fusil. On tue pour cette merde. Délinquant, il y a très longtemps. Décrocheur scolaire, j'ai merdé depuis belle lurette. Introduit à la poudre coca et les pistolas depuis l'âge de 12 ans. Accro à l'argent facile et aux négresses beurrettes. Influencé par les vendeurs de cocaïne dans Queensbridge qui défilaient avec des Mercedes et des crochets. À diamant dans l'eau avec des Lexus coupé toute la journée, jouer au dé au silo. 20$ la partie, ça a commencé comme ça. Après 100$ la partie, maintenant on joue à 10 000$ avec les flingues sur la tête. Lorsqu'on a perdu, on veut reprendre notre gain. Mauvais perdant, de mauvais garçons. Méchant comme Codex dans le 9-1 Évry où 10 000 kilos viennent se faire saisir. La grande bande, maison de Haka et Niska, qu'on baladait. On vit la vie, fume l'air toute la journée. Vie légale, tout rag et diamant. Tu veux me tester, va chercher ton fusil. Tu veux nous tester, va chercher ton fusil. On tue pour cette merde. On vit la vie, fume l'air toute la journée. Vie légale, tout rag et diamant. Tu veux me tester, va chercher ton fusil. Tu veux nous tester, va chercher ton fusil. On tue pour cette merde. Why not, Katsili? 2030, on tous mes négros dans les HLM. Si, qui charbonne. Tous ceux qui mettent la putain d'herbe dans les sacs.